France Musique. Bonjour Nathalie Piollet, c'est une émission spéciale que je vous propose aujourd'hui. Nous sommes au studio 106 de la Maison de la Radio et nous recevons pour un concert très privé une grande dame française que tout Broadway connaît, qui a reçu le prestigieux Tony Award, vous savez les Oscars du théâtre, mais qui est bien méconnue dans son propre pays. Bonjour Liliane Montevecchi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Si je dis qu'on parle de vous comme la joie de vivre en personne, je me trompe? Non, je suis très positive, je dois dire. Parce que moi, je me considère comme un verre de champagne, alors je suis pleine de bulles tout le temps et je l'éclate, pouf, là. Juste pour planter le décor, je propose aux auditeurs cette première chanson. C'est de prétieuses poitrines. Do you know what poitrines are? Are the one you find in Puna. Other than these, c'est de boxing bananes of the greatest Puna. Spaniard maintains that the wine you find in Spain are so fair that every man tumbles. While not long ago, a boy in Eastbourne, I know, simply raved about those on the crumble. Ces belles poitrines sauvages, j'ai dit faire et faire leur chasse. But one voyage. Si vous aimez les poitrines, come to Gay Paris. Si leur beauté vous anime, come and call on me. I will show you a divine Parisian poitrine, brilliant. If you promise me you naughty boy, not to go too far. Si vous aimez la tendresse et la volupté, let give you my address for a rainy day. And if that feeling comes a sting, oh, you know what I mean. N'est-ce pas, monsieur? Come and play with me to Gay Paris. Si vous aimez les poitrines. Vous savez, c'est pas moi qui dis que les poitrines parisiennes étaient les plus merveilleuses. C'est pas vrai! Je me permettrai pas de dire ça, vous comprenez? C'est qu'on le porteur qui a dit ça. Moi, les poitrines sont les mêmes partout. La la la la la la la la, comme sous Gay Paris. La la la la la la la la, comme sous call on me. If you promise me you naughty boy, not to go too far. Si vous aimez la volupté, let me give you my address for a rainy day. I've been that feeling contesting. You know what I mean? Mais oui, monsieur. Come and play with me in Gay Paris. Si vous aimez les poitrines, si vous aimez les poitrines, si vous aimez les poitrines, si vous aimez les poitrines. je vous regardais, Liliane Montevecchi, en train de vous écouter. Vous étiez morte de rire. J'étais morte de rire parce que je chante vraiment comme une patate. Un jour, vous m'avez dit, moi, je suis comédienne. Hein, donc, ouais, c'est vrai. C'est ça, je ne sais pas chanter, il faut me voir quand je chante. C'est vrai, parce que j'aime bien bouger mon corps. Et je ne suis pas une chanteuse, je suis une interprète. J'aime bien interpréter les chansons. Mais quand on ne me voit pas et qu'on m'écoute seulement, c'est la catastrophe. C'est pour ça que je ne vends pas beaucoup de disques. Alors, c'était une chanson qui s'intitulait « Si vous aimez les poitrines », une chanson off-course de Cole Porter dans la comédie musicale « The Nymph Errant ». C'était en 1989 à Londres. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here. Venez. This is the bathroom. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. Je vous propose ce matin un concert très privé sur la 42e rue, un concert privé un peu particulier puisqu'en raison des restrictions de circulation à Radio France, nous n'avons pas pu ouvrir cette émission au public. J'espère que vous le comprendrez, mais en tout cas, notre vedette française de Broadway est bel et bien là, ou plutôt, j'allais dire, la vedette française de Broadway, Liliane Montevecchi. Vous êtes encore ce soir à Paris, au 20e théâtre en concert, et votre parcours est absolument étonnant. Danseuse dans les ballets de Roland Petit, puis chanteuse et interprète à New York, notamment de La Croqueuse de Diamants, engagée à Hollywood par la Metro-Goldwyn-Mayer, vous dansez un pas de deux avec Fred Astaire, vos autres partenaires se nomment Marlon Brando, Jerry Lewis, Elvis Presley, Sid Charis, meneuse de revue aux Folies Bergères durant 6 ans, et star à Broadway, dans les années 80, vous obtenez même le prestigieux Tony Award. Ce sont les Oscars du théâtre pour votre rôle dans Nine, la comédie musicale. Les Français ne vous connaissent pas toujours très bien. Depuis quand vous n'avez pas chanté à Paris ? 13 ans, je crois. J'ai fait Miss Tinguette la dernière fois. Avec Jérôme Savary ? Jérôme Savary, oui. Ça vous fait quoi, là, de revenir ? Mais je suis ravie de revenir. Je suis revenue, malheureusement, à un temps pas très agréable pour tout le monde. Mais je suis contente d'être là. Bien sûr, je suis contente. Mais j'ai quand même un peu peur, parce que mon spectacle que j'ai créé en Amérique, alors je vais quand même parler un petit peu anglais dans ce spectacle. Et dans ma petite tête, je pensais, je n'aime pas les perdre. Et j'ai traduit des choses, je chante moitié français, moitié anglais. C'est un spectacle de cabaret où vous racontez votre vie, en fait ? Oui, un petit peu ma vie, c'est vrai. Mais j'ai une vie tellement intéressante, je dois dire. Quelle vie merveilleuse ! Après, j'ai quand même 83 ans, hein. C'est vieux quand même. Et ben, vous ne les faites pas ? Quel est votre secret ? Heureusement, mais évidemment. Je ne les fais pas, sans ça, je ne le dirais pas. Si j'étais une vieille bonne femme ridée, mais non. Alors, Liliane Montevecchi, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu l'ambassadrice de Paris à Broadway ? J'aimerais qu'on me dise ça. Ça me ferait très plaisir. Du coup, j'avais envie d'ouvrir le concert avec ces deux chansons de Cole Porter qui parlent de votre amour de Paris. Ce sont deux chansons que vous allez interpréter dans votre concert ce soir au 20e théâtre. Ça s'appelle « You Don't Know Paris » et puis « I Love Paris ». Oui, exactement. Vous voulez que j'aille les faire maintenant ? Si vous voulez bien. Mathieu Serradel est au piano. Attention, j'ai peur. You come to Paris, you come to play. You have a wonderful time. You go away, and from then on you speak of Paris knowingly. You may know Paris, you don't know Paris. Though you've been around a lot and danced a lot and laughed a lot, you don't know Paris. You may say you've seen a lot and heard a lot and learned a lot, you don't know Paris. Paris will still be laughing after every one of us disappears. But never once forget her laughter is the laughter that hides her tears. And until you lived a lot and loved a lot and lost a lot, you don't know Paris. You don't know. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is here. Vous voulez que je revienne ? Vous voulez bien ? Ah oui ! You Don't Know Paris et I Love Paris, deux chansons de Cole Porter extraites de votre, alors c'est pas un tour de chant, de votre spectacle, oui, qu'on peut voir encore ce soir au 20e Théâtre à Paris. Oui. Si vous voulez bien, on va un peu reprendre le fil de votre parcours, Liane Montevecchi, au départ. Vous êtes née dans le 16e. Trocadéro. Et au départ, c'est la danse. C'est la danse. C'était pendant la guerre, et maman m'a dit un jour, est-ce que ça t'amuserait ou ça te plairait de prendre des cours de danse? Et moi, bien sûr, j'ai dit oui. Et ça a tout commencé comme ça, et mon professeur, c'était monsieur Pierre Dupré, qui était à l'opéra à l'époque, et il était à Pigalle. C'était très loin, hein, et je me souviens, je crois qu'il y avait encore le métro à l'époque, mais je suis allée quelques fois quand même avec maman à bicyclette là-bas. Et mes premiers cours de danse, j'avais pas de chaussons, j'avais des baskets. Et j'étais vraiment, parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter des chaussons mous, parce que je faisais pas les pointes encore quand j'ai commencé. Et j'ai des souvenirs de ça. Rue de la Rochefoucauld, je me rappelle maintenant. Et après, j'ai fait le conservatoire et j'étais avec deux grandes femmes. Une, c'est Christiane Milazzoli, qui était à la Comédie Française. Mmh. Et l'autre, c'est Brigitte Bardot. Et on a percé, il y a toujours des choses, c'est comme les impressionnistes. Tout d'un coup, tous les impressionnistes étaient ensemble, tout le monde a percé. Et nous, on était trois femmes, on a percé toutes les trois quand même. Il y avait Dany Robin aussi, mais elle était la classe au-dessus. C'était quand même pas mal, toutes ces femmes qui sont sorties de ce petit conservatoire. Qu'est-ce qui vous plaisait dans la danse? Vous aviez quel âge? 8 ans à l'époque, hein? Oui. Quand vous savez comment, qu'est-ce qui vous plaisait? Peut-être la liberté de ne pas aller à l'école. Parce que moi, je détestais l'école et j'étais très contente parce que je sais pas, moi, j'aime les choses. Et maman était une femme tellement élégante et tellement gracieuse et elle m'a fait aimer tout ce qui était beau et sans le vouloir, elle m'a tout donné, cet amour de la beauté. Et c'est pour ça. Et j'ai bien aimé, bien sûr, le premier cours que j'ai pris. J'ai tout de suite adoré. Et puis d'écouter la musique aussi. On avait quand même un piano. Cette musique qui nous transportait. Parce que nous étions très pauvres pendant la guerre et tout ça. Même après la guerre, on était pauvres. Puis ça m'a apporté tellement de choses, le ballet. De rencontrer des gens extraordinaires. Alors vous serez au Casino de Paris. Vous serez danseuse dans une revue au Casino de Paris. Et celui qui va vous, si j'ose dire, sortir du lot, il s'appelle Roland Petit. Écoutez ce que Roland Petit disait de vous en 1953. Je voudrais un mot sur la croqueuse. La croqueuse elle-même, Roland Petit, c'est Liliane Montevecchi. Oui, c'est Liliane Montevecchi. Montevecchi. Montevecchi. Qui, oui. Qui est une oui, qui. Oui. Qui. Ah, oui. Qui est une jeune danseuse qui dansait encore il y a un an au Casino de Paris, qui est venue danser pour moi il y a un an, que j'ai engagée dans la compagnie. Et qui a tellement bien travaillé que finalement elle a obtenu ce rôle dans lequel elle est très brillante, très belle et je suis très fier d'elle. Alors là, ça me fait très très très plaisir d'entendre ça parce que moi je crois qu'il ne m'aimait pas beaucoup. Alors tout d'un coup, quand il me dit que j'étais très belle et que j'étais très brillante, je suis absolument ravie. Non, parce qu'il était très dur avec moi. Il était très dur, très strict. Et à un moment, j'étais à Londres, je me souviens, j'ai fait une arabesque, et j'ai fait une arabesque sur son pied, évidemment, ça c'est désagréable. Parce que, plof, l'arabesque, avec mes pointes, ping! Alors, il m'a donné une gifle, en plein sur la scène. En même temps, c'est lui qui va vous proposer de chanter, et de remplacer Zizi Jeanmaire dans La Croqueuse de Diamants. Absolument. Et quelle idée de vous faire chanter? Oui, parce qu'il m'a écouté chanter dans les coulisses. Un jour, je chantais comme ça par hasard. Et c'est de là qu'il a dit, je veux remonter La Croqueuse de Diamants et vous allez le faire. Évidemment, moi, j'étais dans le corps de ballet. J'étais obligée de travailler beaucoup, beaucoup pour devenir danseuse étoile très vite. Et alors, c'était tous les jours, 5-6 heures avec Rosanne, qui était notre professeur de danse. Très dur, très dur. Mais je suis arrivée quand même. Mais il y a une petite histoire aussi, parce que j'étais plus applaudie quand j'ai fini la chanson qu'après le ballet. Et ça, ça m'a attristée terriblement. Eh bien, on va voir pourquoi. Vous voulez vous réentendre en 1953 en train de chanter La Croqueuse de Diamants ? C'est pas vrai. Mais comment vous avez trouvé tout ça ? Moi, je ne l'ai même pas. Mais évidemment, j'adorerais l'écouter. Bon, bah écoutez alors. Vous voulez bien nous chanter un morceau de La Croqueuse, Liliane Montevecchi ? Mais volontiers. Je suis une croqueuse de diamants. Il me faut ces trucs-là à la pelle. Je les déguste en poivre-nicelle. J'aime quand ça me crisse sous la dent. Du plus loin que j'en aperçois, je n'y pas un seul instant. Et je bondis sur ma proie. Je suis une croqueuse de diamants. La plus costaud des athlètes qui a gagné tous les concours, la championne de bicyclette qui est la vainqueuse des 6 jours. Si elles voulaient me faire confiance, triplerait leur performance. Supprimer le chocolat le matin, avaler 3 carats, bien à jeun. Je suis une croqueuse de diamants, je peux pas me passer cette vitamine. Les diamants sont des spinchers quand ça me glisse sous la dent pour garder ma santé de fer. J'hésite pas un seul instant quand je fais leur affaire. Je suis une croqueuse de diamants. Eh ben, je me demande pourquoi on m'a applaudi après ça, alors. Parce que c'est une vraie catastrophe. Et vous aviez du coffre, hein? Oui, et puis je chantais beaucoup plus haut que maintenant. Oui. Il paraît que quand on vieillit, la voix dégringole un peu, non? Ah ben, je sais pas. Oui. Vous chantez pas, vous? Non, pas trop. Et vous aviez pris des cours de chant, alors, pour ça? Mais non! Ah bon? J'espère que j'ai fait un peu de progrès depuis, mais je suis pas une chanteuse. Quand on vient me voir, on vient voir peut-être une personnalité, une chose un peu différente. Parce que quand on va voir une chanteuse, on va voir Barbara Streisand, or, I don't know, Shirley Bassey. Moi, je non. Allez-y. Tiens, voilà un chanteur, alors, peut-être un vrai. Vous me direz après si ça vous rappelle quelque chose. Sammy Davis Jr. Oh, Sammy. Frankie and Johnny were lovers. Man, how those two cats could love. They promised to dig one another long as stars remained above. He was her mate, but he couldn't fly straight. Now, he was a cat that was lazy. Thinking of work made him frown. And she had a bank that was crazy, and his loans were not turned down. She was his fool, and he played it real cool. Had her a doll named Nellie, a weirdie the hipsters would boast. Man, poets like Byron or Shelley would have dubbed this chick the most. Jack, this gal came on sort of like a female Don Juan. You never saw such a tango. that Frankie sure fought for gent. She threw punches from every angle. Man, it looked like the main event. Someone rang a bell, but Daddy Ody couldn't save Nell. Frankie had whipped out a pistol, and everyone made for the door. She started busting the crystal. Jack, she made that cannon roar. Now, ladies, be careful. Look out! Frankie, put down the gun! And when she fired the last shot, did Johnny hear? He did not. Man, she was such a lady. Oh, how that Frankie did suffer. Her tears were falling like rain. The sheriff who came in to cuff her used the cuffs with the platinum chain, and nobody knew just who was taking in who. Now everyone bows when they pass her, and Frankie's the toast of the town. Man, the moral is really a gasser. If he cheats, simply shoot him down. He was her mate, but he wouldn't fly straight. Here's a thought for you to contemplate. If you want love, you gotta fly straight. Any questions? Qu'est-ce que c'était, Liliane Montevecchi? C'était Frankie and Johnny. Oui. Frankie and Johnny dans Meet Me in Las Vegas. Le film avec Sid Charisse. Et voilà. À ce moment-là, vous étiez en train de nous refaire la chorégraphie avec oui Sid Charisse. Bah oui. Mais qu'est-ce que vous faisiez sur scène, enfin, dans le film avec Sid Charisse, alors vous? Mais j'avais un ballet, c'est Frankie and Johnny, le ballet. Mm-hmm. C'était extraordinaire avec Johnny Brocha. Et vous savez que quand Samy a enregistré ça, il n'avait pas le droit que son visage soit vu sur l'écran. C'est pour ça qu'il a enregistré, il était derrière. Mmh. À l'époque, on ne voulait pas de noir. 1957, Metro-Goldwyn-Mayer. Donc en fait, après Roland Petit, vous arrivez à Hollywood. Mais comment vous passez de Roland Petit à Hollywood? C'est parce que Leslie Caron devait faire deux films à Hollywood. Glass Slipper et Daddy Long Legs. Et elle a demandé à Roland que la compagnie vienne. Mmh. Et la compagnie a été à Hollywood. Et là, il y avait un monsieur John Houseman qui m'a vu et qui m'a demandé si j'étais intéressée de faire un test pour avoir un contrat de 7 ans. Et moi, j'ai dit non, je ne suis pas absolument pas intéressée parce que je veux être danseuse et je veux mourir danseuse. Je ne veux pas faire du cinéma. Et Roland m'a dit, vous savez, quand je rentre à Paris, je vais arrêter ma compagnie. Et moi, je ne voulais danser qu'avec lui parce que c'est lui qui m'a donné ma chance quand même. Alors, je voulais danser avec personne d'autre. Alors, j'ai dit, OK, je vais faire ce test. Et j'ai fait ce test. Et on a, MGM a appelé je ne sais plus qui. Et on m'a dit, vous savez, Montevecchi, si elle veut, elle a un contrat de 7 ans. Un contrat de 7 ans à la métro Goldwyn-Mayer. Oui, et je suis partie là-bas et j'ai appris tout sur le tas, comme un enfant. C'est pour ça que je dis j'ai une deuxième vie à Hollywood, parce que j'ai tout appris comme un enfant. J'ai été d'ailleurs avec les Charles stars, les enfants stars, mm-hmm, à l'école, sur les bancs, parce que j'apprenais, c'est une deuxième vie pour moi. On apprend quoi ? J'apprenais l'anglais surtout, parce que je ne savais pas parler du tout l'anglais. Et j'avais deux professeurs, un qui s'appelait Madame Gertrude Fogler, et une autre qui s'appelait Liliane Burns. Et c'est une dame qui était mariée avec George Sidney, qui était un grand directeur de film à l'époque, à Metro-Goldwyn-Mayer. Elle était mon professeur d'art dramatique. Et je me rappellerai toujours, elle avait des bracelets, plein de petites choses qui pendouillaient, ça faisait beaucoup de bruit. Alors à chaque fois, comment on peut apprendre à quelqu'un quand on n'entend même pas sa voix, quand elle fait « gui, gui, gui, gui, gui ». C'est pas possible, moi j'ai pas appris, je rigolais là-dedans. Et en plus j'avais un professeur de chant qui s'appelait Maestro Shapiro. Alors lui, à chaque fois qu'il me voyait, il me racontait des histoires cochonnes. Alors j'ai jamais appris à chanter non plus. Par contre, vous avez côtoyé des gens pas mal. Là, ah bah, pas mal, le oui. chorégraphe du ballet que vous avez interprété avec Steve Charis, qui s'appelle Hermès. Et Hermès Pen, c'était mon plus grand ami. Mais c'était le chorégraphe attitré de Fred Astaire. Hein. Mais bien sûr, il se ressemblait d'ailleurs. Il bougeait de la même façon, c'est pour ça. Et moi, j'ai très bien connu Hermès Pen et Fred Astaire parce que Hermès Pen, on était toujours ensemble. J'ai habité d'ailleurs dans sa maison à Hermès Pen. Et c'est là où j'ai rencontré Fred Astaire, souvent, souvent. Et on est devenus copains quand même. Quelle était sa façon de travailler à Hermès Pen? Ben, c'était Fred. C'est-à-dire qu'il fallait répéter jusqu'à temps que tout soit parfait. Parce que Fred Astaire, c'était, il fallait que tout soit absolument parfait avant qu'on shoote. Avant qu'on quoi? Qu'on filme. Mmh. C'est vrai qu'ils ont voulu enlever votre point de beauté à Hollywood, hein? Ah oui! Alors, on met ce contrat et on veut tout changer. Mais s'il était trop grand, il fallait pas que je me maquille les yeux tant, il fallait m'enlever le truc. Comment vous savez ça, vous? Bah, vous l'avez dit dans une interview, ah je bon crois que j'ai dû le lire. Alors j'ai dit, vous, quand vous me signez, vous me prenez comme je suis, enfin. Pourquoi on me signe et on veut tout me changer? Non, il faut pas faire ça. Liane Montevecchi, je propose qu'on continue à découvrir votre carrière en chanson. Ok. Et par exemple, une autre chanson extraite de votre tour de chant, Irma la Douce. Oh, Irma la Douce. Alors, peut-être que les gens vont penser, pourquoi est-ce que je ne la chante pas en français? Mm-hmm. Parce que je ne la connais pas en français. Merci beaucoup. Maestro d'amour. What's the use of living? Nothing matters anymore. Why this bitter feeling that I never felt before? Suddenly my Paris is a city full of lies. Paris is a stranger in a cynical disguise. Behind a gay facade, the streets are cold and hard, the shutters locked and barred. Irma la Douce, no more. A neon painted face, a meaningless embrace, a love that leaves no trace. Irma la Douce, no more. What's the use of memories that only brings you pain? Gone the magic spell of weddings at La Madeleine. What's the use of praying where there's nothing to believe? When I built a dream world, it's myself that I deceive, but still is everywhere the life of my despair, the love I long to share. Irma la Douce, the fool. Just suppose a miracle could bring him back again. I would light 100 candles in La Madeleine. Just suppose I could hear again the echo of his voice. I would paint the boulevard and Paris would rejoice. The boulevard would glow, the anisette would flow, and everyone would know Irma la Douce is free. A million dancing feet, accordion in the street, the days a lovers meet. Irma la Douce could cry, the Moulin Rouge would turn, the court with all that churn, the day of his return. Irma la Douce could sing, the 14th of July, the fireworks in the sky, and I would hear him cry. Irma la Douce, Irma la Douce, my own, own. Irma la Douce, en anglais, par Liane Montevecchi, en concert, on va dire intime, ce matin, sur la 42e rue de France Musique. Avec vous, on découvre le parcours d'une Française très connue aux États-Unis et absolument méconnue en France, on peut le dire. Alors, on était d'abord avec les ballets Roland Petit, après on était à Hollywood, et puis après, Retour à Paris, ça sera les Folies Bergères, meneuses de revue de 1972 à 1978, embauchées par le Hongrois Michel Giarmati, qui avait travaillé avec Joséphine Baker. Alors écoutez comment il parlait de vous. Enfin, en ce moment, nous avons une vedette qui mènerait le truc aux victoires parce qu'elle a de l'entrain, elle a des fantaisies, elle a des gentillesses. Elle fait tout dans la revue, j'ai jamais vu une femme pareille. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette revue? Vous faisiez tout, il disait? Ah, je faisais tout. Je faisais Joséphine de Beauharnais, Catherine de Russie, une prostituée, une ballerine, une petite fille. J'ai tout fait. J'avais 14 changements de costume. Et j'ai adoré ça. Et Monsieur Giarmati, j'étais une des seules femmes qu'il a jamais aimées, vraiment. Parce que il n'aimait pas le contact des femmes. Il les a couvertes de plumes et de choses, mais il n'aimait pas. Les femmes l'irritaient. Mais moi, je faisais, alors c'est très drôle parce que je faisais partie du clan de Michel. C'est-à-dire que nous étions cinq. Il y avait Jacques Charon, Robert Hirsch, Michel Giarmati, Jacques Chazot. Et on était tous les soirs, on allait manger au Club 7. Et on rigolait comme des fous. J'étais inclus avec les boys. Et ça, j'ai adoré ça. Votre expérience à Hollywood, ça vous a aidé pour incarner ces 14 personnages en tant que meneuse de revue aux Folies Bergères? Non, pas du tout, pas du tout, non. Ça m'a pas aidé parce que j'ai jamais fait Catherine de Russie à MGM ou Joséphine de Beauharnais ou des choses comme ça. J'ai fait une prostituée. En tout cas, les Folies Bergères, c'est quelque chose qui va vous marquer. Vous serez meneuse de revue. Oui. Et puis, 10 ans plus tard, c'est une chanson que vous interpréterez à Broadway qui s'intitule Folies Bergères, qui va vous rendre extrêmement connue oui. à New York. C'est une chanson autobiographique. Avant qu'on l'entende, expliquez-nous un petit peu cette chanson qui est extraite de la comédie musicale Nine. Quand on a créé ce rôle qui s'appelle Liliane Lafleur, parce qu'on a voulu prendre mon prénom, et Tommy Tune, c'était ma vie, donc il a repris un peu de ma vie, parce qu'il m'a toujours dit que je me suis assise sur ses genoux aux Folies Bergères. Je n'ai jamais été dans la salle aux Folies Bergères et je ne me suis jamais assise sur ses genoux. Lui, il prétend que c'est là où il m'a rencontrée pour la première fois. C'est pas vrai! Mais j'ai pris aussi, après Monsieur Giarmati, il y avait une femme qui a repris les Folies Bergères qui s'appelle Madame Martini. Et j'ai pris son caractère pour me construire le mien. C'est-à-dire que j'ai observé, j'ai pris ce qu'elle faisait dans sa vie et je me suis construit mon rôle comme ça. Ça, elle m'a influencée sans le savoir. Quoique je lui ai dit quand même, quand je l'ai rencontrée après. Mais de quoi on parlait? De Nine, la comédie musicale Nine, dans laquelle donc vous interprétez Liliane Lafleur. Oui. Et ce que je propose aux auditeurs, c'est de vous écouter dans ce qu'on appelle un showstopper, parce que je crois que tous les soirs, vous arrêtiez le spectacle, les gens étaient debout en train de vous applaudir dans un grand numéro qui s'intitulait justement Folies Bergères. Oui, oui. Vous voulez bien nous le chanter? Absolument. Avec au piano, Mathieu Serradel. What a showing of color, costume and dancing. Not a moment in life could be more entrancing than an evening you spent on Folies Bergères. Folies Bergères. Not a soul in the world would be in despair when he is glancing on the fabulous stage des Folies Bergères. Think of the footlights bright and gleaming, a striptease, le cancan we all adore. Life is too short without dreaming, and dreams is what the theater is for. Folies Bergères. La musique et la danse, la son, la lumière. Les jolis petits seins, des belles bouquetières. Sur la passerelle des Folies Bergères. Pas de mystère. Le spectacle est tout à fait découvert. Et pas trop cher. Viens ce soir avec moi aux Folies Bergères. The music, the lights and the laughter. The answer to what you are after. De Folies Bergères. Folies Bergères, Une chanson extraite d'une comédie musicale qui s'intitule Nine, qui est en fait l'adaptation du film de Federico Fellini, 8 et demi. En fait, Liane Montevecchi, on peut dire que après danseuse, après comédienne et danseuse à la MGM, et après meneuse de revue aux Folies Bergères, vous entamez votre quatrième carrière différente à Broadway dans les années 80, quand vous êtes embauchée par Tommy Tune et qui vous propose un rôle dans une comédie musicale à Broadway qui s'intitule Nine. Oui. Comment c'est arrivé ce rôle? J'étais à Atlantic City. Pendant 18 mois, j'ai ouvert le premier hôtel à Atlantic City qui s'appelait Resort International Hotel. Et là, on faisait un petit Folies Bergères. C'était une petite chose. C'était Folies Bergères, mais petit, plus petit. Et je suis restée là 18 mois. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je n'avais plus rien à faire. Alors, j'ai dit, je vais retourner à Hollywood. Et là, j'arrive à Hollywood très pompeuse en disant, ben voilà, ben, je suis de retour et puis c'est moi, alors là. Et alors, tout le monde me dit, mais qui êtes-vous, madame? Parce qu'on ne se rappelle plus de moi. Je n'étais pas une grande star, quand même, à Hollywood. Alors, j'étais un petit peu triste de tout ça. Et j'ai dit, bon, alors je retourne à Paris. On ne sait pas. Mais je me suis arrêtée à New York. Et à New York, j'appelle mon amie Jacqueline Stone, qui est la mère de Oliver Stone, et qu'on appelle Madame Platoon. Et je lui dis, Jacqueline, je suis là, je change d'avion. Je veux te dire que je t'aime et que je pense à toi et que je fais des gros baisers, voilà. Et elle me dit, Liliane, c'est absolument ridicule que tu ne viennes pas, tu es là, à New York, il faut quand même que tu vois quelques pièces de théâtre, tu es là. C'est ridicule d'aller à Paris comme ça, moi je te donne une chambre, tu habites chez moi. Quand tu veux, et c'est gratuit. Moi, j'adore tout ce qui est gratuit. Alors là, je saute dessus deux temps, trois mouvements. Alors, j'ai dit, OK. Alors, j'appelle mon agent, qui était assez âgé à l'époque. Il n'était pas encore mort. J'étais contente de ça. Mais il était quand même assez vieux. Mais il était très, très surpris de m'entendre. Mm-hmm. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici, Liliane? Je ne savais pas que vous étiez là. J'ai dit, ben moi non plus. Mais je viens et je voudrais quand même des billets pour aller voir quelques pièces de théâtre. Et il me dit, comme c'est étrange que vous soyez là aujourd'hui, parce que cet après-midi, il y a des auditions. Monsieur Tommy Tune va faire des auditions qui demandent des accents. Moi, j'avais aucune idée que j'avais un accent. Anyway. Alors, tout d'un coup, et moi, je n'ai jamais fait d'audition non plus, excepté pour Roland. Et moi, comme c'était en plein hiver, j'avais un manteau en vison qui traînait par terre, toujours très grande, très simple. Je suis toujours très, très simple. J'avais un chapeau comme Greta Garbo, enfin, vraiment. Et alors, Monsieur Tommy Tune dit, vous savez chanter quelque chose? Je n'avais pas de pianiste, j'ai dit non, mais j'adorerais avoir dîné avec vous. Il a trouvé ça amusant quand même. J'ai quand même chanté a cappella La Vie en Rose. Et je suis partie en traînant mon manteau sur la scène. Et le lendemain, mon agent m'appelle en me disant, Monsieur Tommy Tune voudrait vous avoir dans son spectacle. Il ne sait pas quoi faire avec vous encore, mais il voudrait vous avoir. Pouvez-vous signer? Je dis, waouh, mais quelle chance! Moi, j'avais rien à faire nulle part. C'était une opportunité, non? Ça a changé ma vie, ce Nine. Ça a changé ma vie. Je ne suis pas retournée en France pendant des années. Et j'ai eu le Tony Award et tout ça. Donc, ça a changé ma vie. Alors, c'était une production très conceptuelle, on va dire. On va écouter l'ouverture, qui est très belle, qui est un cœur de voix. Oh, incroyable. Ça ressemblait à quoi? On était toutes assises, nous étions 21 femmes. Et nous étions toutes assises sur des bancs, c'était des blocs blancs. Et nous étions toutes habillées en noir. Et donc, toutes entouraient un homme, c'est ça? Guido, oui, qui était, Guido, comme dans le film de Federico Fellini, Marcello Mastroianni, oui, le réalisateur qui n'avait plus d'inspiration. Oui. Et il y avait cette ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Enfin, écoutons-le, je ne peux pas vous expliquer. je suis contente d'entendre ça, c'est tellement beau. Ça me rappelle des choses absolument merveilleuses. L'ouverture de Nine, la comédie musicale de Maury Easton à Broadway. Mais incroyable. Alors, je vais vous raconter quand même une histoire. Quand je faisais, j'étais très, très, très mince. J'étais plus mince que maintenant, je ne suis déjà pas grosse, mais j'étais vraiment très, très mince. Et quand je chantais Folie Bergère, à un moment, je pars et je sentais quelque chose en moi qui n'allait pas. Je sentais que je perdais mon souffle complètement, que je commençais à la tête qui tourne et qui tourne comme ça. Et je vais vers Guido, qui était Raoul Julia, et je lui dis à l'oreille, je dis, je me sens pas bien. I don't feel well. Et je devais continuer mon numéro, aller sur la passerelle et revenir. J'avais trois petites marches où je devais m'asseoir et rester là. Et là, je suis tombée évanouie. Mais personne ne savait ça. Alors, les applaudissements, alors tout le monde croyait, mais dis donc, Liliane, elle prend son temps, hein. J'étais dans les pommes. Parce que j'étais là. Mais elle se lève pas, elle se réveille pas. On a fermé le rideau, on m'a emmené à l'hôpital. Vous lui avez demandé à Tommy Tune, qu'est-ce qu'il vous avait trouvé pour vous embaucher comme ça du jour au lendemain? Non, je sais pas. Il cherchait des femmes. Et apparemment, il m'avait vu au Folies Bergères, il aimait bien ce que je faisais, apparemment. Et puis, je sais pas, non. Alors, avec Nine, c'est pas tous les jours qu'une actrice française remporte l'Oscar du théâtre à Broadway, c'est votre cas. Un Tony Awards, rappelez-vous. The winner is Liliane Montevecchi in Nine. Thank you very much. Maman, t'es contente? My mother is looking at me. I have to tell you, it was Mother's Day when you opened the show, but in France it's Mother's Day today. And this is the greatest pleasure you could give me. I thank you very much. Tommy Tune, thank you. More everybody, thank you. And thank you for accepting me. I'm so thrilled. Oh, bye. Vous vous rappelez? Très bien. Ah oui. Et j'avais le cœur qui palpitait tellement. Ça, je n'avais aucune idée que j'allais recevoir le Tony. Absolument aucune. On ne sait pas ça. Et on ne se rend pas compte, ça change quoi pour la carrière d'une actrice à Broadway de recevoir un Tony Award? Ça ne change pas beaucoup. Le respect des autres, probablement. Mais ça ne change pas. C'est comme quand on a un Oscar, des fois ça coupe même. Quand on a un Oscar, les gens qui ont un Oscar, des fois ne travaillent pas pendant des années après ça. Mais ça me, oui, j'étais contente pour maman surtout. Parce que je vais vous dire pourquoi aussi. Parce que je n'ai jamais été récompensée à Paris. Et ça lui a fait de la peine que je n'ai pas reçu un prix parce que je suis quand même restée aux Folies. Je n'ai jamais manqué une chose. Et on m'a jamais dit merci vraiment. Et ça lui a fait plaisir que je parte dans un autre pays et que ces gens m'apprécient. Elle était contente pour ça. Liane Montevecchi, vous jouerez pendant 700 représentations Liliane Lafleur. Et puis 7 ans plus tard, vous revoilà à Broadway dans un rôle créé par Greta Garbo dans le film Grand Hôtel, la danseuse étoile Elisaveta Grushitskaya. Et encore une fois, le compositeur Maury Easton compose pour vous une chanson sur mesure. Oui, j'étais nominée pour ça. Je n'ai pas eu le Tony, mais j'étais nominée. Et la chanson s'intitulait comment ? Bonjour amour. Vous voulez bien nous la chanter oui. ce matin pour les auditeurs de France Musique ? Oui, et comment ? Bonjour amour. Hello to love. Hello my life. Bonjour. Bonjour, amour, you saved me in the nick of time. Bonjour, I didn't know it was possible for someone like this to love me, but suddenly it is possible and you see. Amour, bonjour, again I love, he love, it's love. Bonjour, bonjour, amour, il m'aime, je l'aime et moi je dis bonjour. I know he's young, so many things about him are unsure, but to be sure, I know my heart, and in my heart I sing bonjour à l'amour. This boy, this man, he makes me feel a girl again. Bonjour, my joy, my fan, he puts me in a whirl again. Bonjour, already I think I am missing him, but I only met him last night. But how wonderful to be missing him, oh my love, my life. Amour, bonjour, I can't believe you came to me. Bonjour, amour, bonjour, and nothing is the same to me. Bonjour, it's true, perhaps, it all may be a little premature, but I'm sure I know my heart, and in my heart I feel there is a miracle of loving and a miracle of living, and I cry with all my soul to this amour. Bonjour. Liliane Montevecchi en concert intime, intimiste sur la 42e rue de France Musique ce matin. Avec Mathieu Serradel au piano. Alors ça, c'est une comédie musicale de Broadway qui s'intitule Grand Hôtel. Et puis, en 2001, Jérôme Savary vous appelle pour interpréter en France un grand rôle. Un rôle principal, c'est dans Miss Tinguette. Ça sera d'ailleurs le dernier spectacle de Jérôme Savary à l'Opéra Comique. Miss Tinguette, la dernière revue. Je vous propose de vous écouter. C'est un très beau duo avec Ginette Garcin. Oh, Ginette. J'ai fait ça en douce. Personne n'a vu que du feu. Vu qu'on était enroulés dans un tapis, n'est-ce pas, Nestie? Oh ben, je te crois. Nous, les femmes, on a de la pudeur. Oh ben, tiens. Ces machins-là, on les fait... En douce. Et j'ai fait ça en douce, sans toutes ces complications, en pleine cambrousse, derrière les fortifications. Poupée, ma fleur d'oranger, j'ai pas l'air arrangé. Le maire, le suisse, le bedeau et un tas de badauds. J'ai fait ça en douce et j'ai connu sur le gazon, ah oui, la grande secousse et le fameux petit frisson. Et lorsque j'ai chaviré, j'ai rien dit, rien vu. Afin de pleurer Jacques. J'ai fait ça en douce, en duo, Liane Mantevecchi en duo avec Ginette Garcin. C'était donc un spectacle, une sorte de biographie un petit peu romancée de Mr. Get, que ce spectacle. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand quelqu'un vous a appelé de Paris en vous disant, Liane Mantevecchi, on aimerait que vous interprétiez Mr. Get, tête d'affiche, dans le prochain spectacle de Jérôme Savary. Vous vous êtes dit, enfin, Paris me voilà? Non, j'ai pas dit enfin, j'ai dit, peut-être que c'est une erreur. Oh bah non, quand même, on sent des côtés parallèles avec la vie de Mistinguet. Oui, mais quand même, parce qu'on m'a jamais rien demandé de faire à Paris, et j'étais vraiment très, très surprise. Très surprise. Enfin, j'étais très flattée aussi, et je voulais aussi travailler avec Monsieur Savary. Parce que j'aime, c'est un foufou, mais j'aime quand même ses idées, j'aime ce qu'il fait. Alors par contre, vous étiez surprise qu'il n'y avait pas autant de répétitions qu'à Broadway, c'est ça? Ah ben oui, oui. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? Racontez-nous. C'est un peu plus élastique, c'est un peu, je dirais pas moins professionnel, parce que je peux pas dire ça. C'était très professionnel, mais c'était, il faut que je raconte, ça n'a rien à voir avec ça, mais je vais vous raconter une autre histoire. Quand j'ai fait Hello Dolly, après on reviendra sur Monsieur Savary. Ok, j'arrive pour faire Hello Dolly. À Bruxelles, non. Where did I go, Hello Dolly? Liège. Ok. Alors, on ne m'avait pas dit que quand j'arrivais le premier jour, je devais savoir tout, mon script, par cœur. On ne m'a jamais dit ça, parce qu'à Broadway, on répète. Ok. J'arrive à Liège, tout le monde savait tout par cœur, et moi, je n'avais rien appris. Ça, c'était une horreur. J'ai passé des moments horribles, mais horribles, parce que le monsieur c'était le chef de l'opéra me voulait, et moi je dis je peux pas le faire, je peux pas apprendre. Tous mes murs étaient avec tous mes scripts au mur, au plafond. J'ai travaillé comme une folle, mais on m'avait pas prévenu qu'on devait arriver sans script. Personne ne m'a dit ça. Et on fait pas ça à Broadway. Mais Savary, c'était autre chose. J'avais quand même le script avec Jérôme. Et on a quand même travaillé sur le script. C'était quand même... Et ça, cette expérience de Hello Dolly, ça, je veux pas la revivre, alors. C'était une horreur. C'est un bon souvenir, Miss Tinguette, hein? Ah oui, c'est un bon souvenir, d'abord, parce que j'étais très flattée de faire Miss Tinguette, que j'ai bien connue, d'ailleurs. J'ai connu Miss Tinguette, Joséphine Baker, et tout ça... Oui, c'était un grand honneur pour moi et j'en suis encore. Je me demande encore pourquoi on m'a demandé de le faire, parce que on m'a jamais demandé de faire des choses importantes. Quoique, une fois j'ai fait Musidora, ce qui m'a beaucoup plu. Mais quand même, quand j'ai fait Miss Tinguette, j'ai eu un award, le Bistro Award. Ça, j'ai eu. On m'a quand même donné une récompense. Et maintenant, je suis décorée des arts et des lettres. C'est bien, non? C'est bien ça, oui. Et je suis aussi une dame. Vous ne saviez pas ça, peut-être. Vous êtes une dame en Angleterre, hein? Non, je suis une dame des Knights of Malta. Les Knights de Malta, comment on dit? Les Chevaliers de Malte. Les Chevaliers de Malte. Mm-hmm. Je suis donc une dame. Et je vous propose de reprendre, pour conclure ce concert privé, le rôle de Miss Tinguette. Vous voulez bien? Absolument. Je me rappelle, dans le spectacle de Jérôme Savary, vous étiez en train d'alpaguer le public quand vous chantiez cette chanson. Oui, je me demande si j'étais dans la salle, non? Vous alliez dans la salle. Oui, j'avais dans la salle. Mais là, allez restons salle. Entre nous. Okay. De toute façon, il n'y a pas de millionnaire dans la salle, je crois. Je cherche un millionnaire. Un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait, chérie, tout ce que j'ai, il est à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme des stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire. C'est pour ça que je fais les boulevards. C'est facile d'être chic. Quand on a beaucoup de fric, c'est commode d'épater. Quand on est très argenté et qu'on n'a plus rien à compter, je cherche un millionnaire car je sais que ces oiseaux rares veulent donner leurs dollars. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. Liane Montevecchi. Oui, c'est moi. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur France Musique. Mais merci de m'avoir invitée, ça me fait très très plaisir. Alors d'être vous avec êtes vous. Invitée permanente de France Musique et de la 42e, vous pouvez le savoir maintenant. Oh, à chaque fois amour. Vous venez à Paris, s'il vous plaît. C'est gentil ça, merci. J'ai lu une autre citation de vous pour terminer. Vous avez dit pour être réussir, il faut être un peu méchante. C'est vrai ça? Non, non, il ne faut pas être méchant. Il faut avoir, pour réussir, je crois qu'il faut avoir une grande discipline. Ça, c'est la première chose pour moi, c'est la discipline. Et après ça, peut-être que j'ai eu cette discipline en étant ballerine. Parce que quand on commence les pliés, et quand on arrive en retard à la barre, on est fichu dehors. Donc on a l'exactitude d'être à la barre à temps, et la rigorosité, on dit... La rigueur. La rigueur de cette barre. Et ça, ça m'a endurci un peu. Mais pas méchante, non. Je ne suis pas méchante. Je suis un peu radine, mais je ne suis pas méchante. Et vous continuez des exercices à la barre? Oui, je vais au cours tous les jours. Ah ouais? J'ai besoin de ça. Et quand je ne fais pas mes exercices, je ne me sens pas bien. C'est une dope pour moi. J'adore ça. Et au 20e théâtre, qu'est-ce que vous faites pour vous échauffer? Au 20e théâtre, qu'est-ce que je fais pour m'échauffer? Et je fais, ben quand même, je prends le pied dans la main, attention, hein. Donc, le pied dans la main, vous savez, clink, clink, clink, clink, clink. Je mets le pied sur le piano. Ouais. Je fais des exercices. D'accord. Et je prends le pied dans la main, et comme ça, quand je fais. Alors là, il faut que je me chauffe un peu, parce que sans ça, ça me donne des crampes. On vous retrouve alors ce soir pour ce spectacle produit par Patrick Niedot, qu'on remercie de vous produire à Paris, parce que ça faisait très longtemps qu'on voulait vous voir. C'est donc ce soir au 20e théâtre, Liane Montevecchi avec au piano Mathieu Serradel. Voilà, cette émission a été filmée sur la page de 42e rue. Vous retrouverez quelques vidéos de chansons et puis vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. Et puis je donne un rendez-vous à nos auditeurs puisque notre prochain cabaret 42e rue, eh bien c'est en direct dimanche 13 décembre à 11h autour de Leonard Bernstein, une heure de chansons du compositeur de West Side Story avec notamment Christine Buffle et Lauren Van Kempen, Martine Moni, Perrine Mingui, Cédric Châtelu, Martin Delafosse, Tar Bouclifa, à la vidéo Jean-Michel Després et Laurent Vallière. Nous vous souhaitons un très bon dimanche. Merci Liane Montevecchi, à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir tout le monde. Après le journal, vous retrouvez Renaud Machard. Rideau.